La mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension en arabe est ta'wil. Est le fait de penser avoir raison alors qu'on a tort. Ses causes. Interpréter un mot en lui donnant un autre sens que son sens apparent. Donner à une preuve légale un sens figuré suite à un effort de compréhension ou à cause d'une ambiguïté provoquant la non-compréhension de la preuve ou la mauvaise compréhension de celle-ci, en pensant qu'une preuve n'en est pas une ou en se basant sur un hadith faible, en le pensant authentique. Ce qui amène l'individu à faire ou dire ce qui s'oppose à l'enseignement du prophète, sans se rendre compte qu'il contredit l'enseignement du prophète, ce qui empêche la présence de l'intention, qui est une condition d'apostasie. Ibn Taymiyyah a dit « Quant au tekfir, l'anathème, l'avis exact est que quiconque parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'efforce d'atteindre la vérité et désire y parvenir, mais se trompe, il ne devient pas mécréant, et son erreur lui sera même pardonnée. Quant à celui qui se rend compte de l'enseignement du messager d'Allah, puis fait scission d'avec le messager, après s'être rendu compte de la vérité et suit un autre chemin que celui des croyants, c'est un mécréant. » Note, la communauté de Mohammed désigne les monothéistes qui ne donnent aucun associé à Allah. Ibn Taymiyyah dit, vu que toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des monothéistes et aucun monothéiste ne s'éternisera en enfer. Si cette mauvaise interprétation amène à croire qu'un autre qu'Allah mérite d'être invoqué ou adoré, ou qu'un autre qu'Allah remplit les fonctions de la seigneurie, ou qu'un autre que le prophète doit être suivi pour adorer Allah, alors cette mauvaise interprétation ne peut empêcher son auteur de sortir de l'islam. La preuve de cette règle est la parole d'Allah. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Sourate 4, verset 48. Et il dit, « Dis, voulez-vous que vous nous apprenions lequel sont les plus perdants en œuvre ? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. » Abdullah Abu Bataïn a dit, « Celui qui prétend que l'auteur d'une mécréance par mauvaise compréhension, par effort, par erreur, par conformisme ou par ignorance est excusé, il s'oppose au Coran, à la Sunna ainsi que l'unanimité, sans aucun doute. En plus, il sera forcé de contredire son principe, sinon il deviendra mécréant sans aucun doute. Si par exemple il ne juge pas mécréant celui qui doute du message de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou quelque chose comme ça. De même, la cause principale de la présence d'idolâtrie sur la terre est la mauvaise interprétation des textes divins. Si la mauvaise compréhension était une excuse, même pour celui qui adore un autre qu'Allah, il faudrait alors excuser tous les polythéistes. Or, ceci s'oppose totalement à l'enseignement de l'islam. Ibn Qayyim dit au sujet des chrétiens, « Et c'est à cause de la mauvaise compréhension qu'ils ont considéré qu'Allah est le troisième de trois, qu'ils prirent le Messie pour son fils, et le considérèrent comme étant Allah. Ils dirent ça, ça et ça. » Qu'Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Et c'est encore à cause de la mauvaise compréhension qu'ils cessèrent la circoncision et qu'ils légalisèrent le porc, bien qu'ils savaient que le Messie fut circoncis et interdisait le porc. Et c'est avec la mauvaise compréhension qu'ils ont changé la période du jeûne en le mettant au printemps et qu'ils l'ont augmenté à 50 jours. Et c'est à cause de la mauvaise compréhension qu'ils adorèrent la croix et les images. Et c'est avec la mauvaise compréhension qu'ils firent scission de la loi de la Torah et de l'Évangile. Et Shir Soleiman ibn Sahman dit, et la doctrine de l'unique existence et de l'incarnation et tout ce qu'elle inclut comme mécréance limpide et comme shirk immense et l'abolition de l'existence du Seigneur des mondes ne furent-ils pas causés par l'erreur qu'ils firent par effort de compréhension, où ils s'égarèrent et égarèrent les gens du droit chemin? Est-ce que la raison pour laquelle l'Hajjaj fut exécuté à l'unanimité des juristes, fut-elle autre chose que son égarement dans son effort de compréhension? Et l'impiété des Qaramitas, et ce qu'ils se sont emparés comme infamie, et la sharia qu'ils ont défait de leur coup, tout ceci ne fut-il pas causé par leur prétendu effort de compréhension? Et les Rafida, n'ont-ils pas professé ce qu'ils ont professé et légalisé ce qu'ils ont légalisé comme impiété et idolâtrie et culte des 12 imams et d'autres, et les insultes envers les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et envers les mères des croyants? Tout cela ne fut-il pas le fruit de leur prétendu effort de compréhension? Et tout cela sont antérieurs à l'Iraqi dans sa doctrine. Toute erreur est pardonnée, et ceci leur implique indubitablement fait donc suivre ce qu'il fut dit ici. Ce qu'on veut dire, que ces gens-là ont rapporté ces propos de Shir al-Islam en pensant que sa parole concernait tout effort de compréhension et que toute erreur est pardonnée, et que les Jahmiyyah qui contestaient l'élévation d'Allah au-dessus de sa création, ainsi que les adorateurs de tombeaux qui prennent des divinités et des égaux en dehors de lui, sont inclus dans cette parole, et que leurs erreurs sont pardonnées. Gloire à toi, c'est une immense calomnie. Donc la mauvaise interprétation qui empêche de sortir de l'islam concerne celui qui, par mauvaise compréhension, adhère à des innovations qui ne s'opposent pas au monothéisme en soi. La preuve de cette règle est la parole d'Allah. Ô notre Seigneur, ne nous punis pas s'il nous arrivait d'oublier ou de nous tromper. Ainsi que l'unanimité des compagnons, qui considéraient la mauvaise compréhension d'une loi comme un empêchement d'apostasie. Lorsque le compagnon Udama ibn Madan avait bu du vin avec certains de son groupe, pensant que cela lui était permis, en surbase du verset, « Et ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi » et font de bonnes œuvres en ceux qu'ils ont consommés, pourvu qu'ils soient pieux, et qu'ils croient, et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ce compagnon pensa que ce verset prouve que lorsqu'une personne est pieuse et fait de bonnes actions, il a alors le droit de boire du vin et de manger ce qu'il veut. Alors, lorsqu'Abu Hurayra et d'autres, ainsi que la femme de Qudama, témoignèrent de ce qu'ils avaient fait devant Omar ibn Khattab, qu'Allah les agrée tous, ce dernier décida de lui appliquer soit la peine de l'ivrogne, s'il se repentait de son interprétation du verset et avouait l'interdiction du vin, soit la peine de l'apostat, s'il ne se rétractait pas de son interprétation et continuait de croire que le vin est licite. Ibn Taymiyyah a dit, ne vois-tu pas que Qudama ibn Madan, qui fut un combattant de la bataille de Badr, interpréta lors du califat de Omar son interprétation de la permission du vin sur base du verset « Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé. » Au point que Omar et tous les gens du conseil consultatif furent d'avis de lui ordonner de se rétracter, lui et ses compagnons, et que s'il acceptait l'interdiction du vin, il serait fouetté, et s'il ne l'acceptait pas, il serait alors apostat. Ensuite, il, Qudama, se rétracta et manqua de désespérer du pardon d'Allah, vu la grandeur de son péché, jusqu'à ce que Omar lui envoie un messager pour lui réciter le premier verset de la sourate, le pardonneur. Et il dit, quant aux quatre obligations, prière, zakat, jeûne et pèlerinage, celui qui renie le caractère obligatoire de quoi que ce soit d'entre elles, il est mécréant. Il en est de même pour celui qui renie l'interdiction des interdictions élémentaires et avérées, comme la turpitude, l'injustice, le mensonge, le vin, et les choses comme ça. Par contre, si la preuve ne lui a pas été présentée, comme c'est le cas de celui qui vient de se convertir, ou qui a grandi dans un désert lointain, à qui les lois de l'islam ne sont pas parvenues, ou encore celui qui se trompe et pense que ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres font exception à l'interdiction du vin, comme se trompèrent ceux que Omar appela au repentir. On les invite à se rétracter et on leur présente les preuves. Et s'ils continuent après cela, ils deviennent mécréants. Et on ne les juge pas mécréants avant cela. Tout comme les compagnons ne jugèrent pas Qudama ibn Madan et ses compagnons mécréants lorsqu'ils se trompèrent dans leur interprétation. Et Ibn Taymiyyah dit aussi, le statut de l'interprète et l'ignorant excusé n'est pas le statut du rebelle et du libertin. Allah a donné à toute chose sa juste mesure. Al-Qadi Al-Iyad a dit, inclure un mécréant dans la religion et bannir un musulman de la religion sont deux choses terribles dans la religion. Et plus d'un investigateur a stipulé qu'il faut faire preuve de précaution en ce qui concerne l'excommunication de ceux qui se trompent dans leur interprétation. Car le fait d'autoriser de tuer les prieurs monothéistes est un grand danger. Note. Nous avons souligné le terme monothéiste dans la parole de Qadi Ayat afin de démontrer que l'excuse pour mauvaise compréhension ne concerne que les monothéistes. La mauvaise compréhension est donc une excuse pour le musulman dans tout ce qui concerne les points dont ne dépendent pas la connaissance de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Mohammed comme loi et rituel, et certaines informations du monde de l'invisible comme certains attributs de l'être d'Allah, tels ses deux mains, ses deux yeux, son visage, ou encore les détails du paradis, de l'enfer, du jour du jugement, etc. À condition que ce soit une compréhension qui puisse être suggérée par la langue arabe. Ibn Hajar al-Asqalani dit: les savants ont dit que toute personne qui a une mauvaise interprétation est excusée et n'est pas pécheresse si son interprétation est suggérée par la langue arabe et qu'il a lui-même un niveau de science. Et lorsque la preuve est établie contre l'innovateur, alors son interprétation n'est pas une excuse et il devient mécréant. Point à retenir. L'erreur d'interprétation n'est une excuse que pour le monothéiste qui n'adore qu'Allah et désavoue le Tarout. L'erreur d'interprétation consiste à mal comprendre la signification d'un texte sur base d'un hadith faible ou d'une ambiguïté. Lorsque l'erreur d'interprétation mène à donner un égal à Allah ou à croire en la prophétie d'un autre que Mohammed, ce n'est pas une excuse. L'excuse pour mauvaise compréhension cesse dès que la preuve est apportée et expliquée à l'opposant, puis que celui-ci persiste par refus et orgueil. Les hérétiques monothéistes sont tous victimes d'une mauvaise compréhension. Lorsque les preuves sont expliquées aux hérétiques monothéistes, puis qu'ils persistent par refus et orgueil, ils deviennent mécréants. Comme par exemple les Khawarij, les Murji'a non-extrémistes, les Qadariya non-extrémistes, les Mu'tazila non-extrémistes, les Ash'ira non-extrémistes, etc.